Titane par Jules d'Hermina. Je n'avais jamais vu son écriture, et cependant, quand sa lettre me fut remise, je n'hésitais pas un instant. Cette lettre venait d'elle que je n'avais pas rencontrée depuis 3 longues années, depuis qu'ignorante de l'amour profond que je lui avais voué. Elle était devenue la femme de Frédéric Wertheim, du savant dont les académies célébraient les travaux et que j'admirais trop moi-même pour oser l'envier. Je regardais cette lettre sans l'ouvrir, et je ne sais pourquoi, une inexprimable angoisse m'alanguissait. Étrange pensée, le papier me semblait pâle, et les lettres qui y étaient tracées, minces et noires, avaient je ne sais quelle maigreur maladive et douloureuse. J'avais été le camarade d'enfance de Paula. Je l'avais connue rieuse, un peu folle, avec ses éclairs d'enthousiasme, l'irradiation des cœurs naïfs. Oh, alors elle ne devait pas écrire ainsi. Comme ses cheveux capricieusement bouclés, ses traits, dessinés par sa main d'enfant, devaient avoir des coquetteries joyeuses, des enroulements égayés. Mais sur cette enveloppe, le jet de la plume avait la brusquerie d'un appel, et des caractères de mon nom jaillissaient comme une clameur. Fiévreux, je brisai le cachet. Un seul mot, venez. Pour qu'elle m'adressât cette prière, qui était un ordre, elle qui ne se savait pas des droits sur moi, ces droits que je lui avais réservés à jamais dans le mystère de ma conscience, ne fallait-il pas qu'une sensation quasi divinatoire lui eût révélé le secret de son pouvoir? Je n'hésitais pas une minute. Paula demeurait avec son mari dans une grande propriété, à 6 lieues environ de la ville que j'habitais. Jamais plus je ne m'étais dirigé de ce côté, craignant de flétrir mon rêve, si respecté, à quelque réalité absurde et décourageante. Jamais plus je n'avais prononcé son nom, pour ne pas troubler l'écho si doux qui m'était resté, vibrant et cristallin de l'adieu dans lequel, amoureusement, j'en avais fait résonner une dernière fois, et pour moi seul, les 2 notes exquises. On était au 1er mois de l'automne, en cette période douteuse, ou de la tombe d'hiver, on sent déjà les bouffées sépulcrales. Cependant, il est vrai que l'amorosité lourde qui assombrissait mon âme endeuillait encore davantage la nature, et il me semblait que pour marcher en avant, j'eusse à me débattre à travers l'enlaçant réseau d'une immense et impénétrable toile d'araignée. Combien je mis de temps à franchir cet espace, il me serait impossible de le dire. Le château qu'habitait Paula était situé à l'extrémité d'une longue, longue allée de châtaigniers, dont les branches s'entrecroisaient et dont la rectitude, se rétrécissant de plus en plus par la perspective, éveillait l'idée d'un entonnoir. Au moment où je m'y lançais, il me sembla, hallucination rapide, superposée à mes soucis, qu'au bout, dans le cercle étroit qui ressemblait à l'antre d'une mygale, m'attendait une chose en forme de masque lugubrement rieur, faite de brouillard, qui m'attirait et me menaçait. Et l'impression sinistre de ce mirage fut si puissante que je me rejetai en arrière, raidissant les rênes, tandis que, penché au cou de mon cheval interdit, je plongeais mes regards effarés dans cette profondeur. Puis, avec un cri, j'enfonçai mes éperons au flanc de la bête, la lançant dans un furieux galop de charge contre l'inconnu. Je faillis me briser contre la grille dont les torsions bizarres, chef-d'œuvre de quelque artiste inconnu, me firent comprendre l'illusion entrevue, et mieux encore, elle s'expliqua, quand devant cette mâchoire de fer et de bronze, aux volutes dardées en pointes aiguës, je vis debout la forme blanche et fine de Paula, qui m'espérait, tenant dans ses bras un enfant rose. Vous dire ce qu'elle était, je ne le pourrais pas. La beauté de la femme n'est que la résultante de l'émotion de qui la regarde, et moi, alors que mes yeux se posaient sur Paula, je sentais dans tout mon être un élan d'admiration et d'amour. Était-ce pour ses cheveux, noirs comme le yagatès de Lissy, que séparait en 2 ailes une ligne blanche tracée par une grille d'oiseau? Était-ce pour son front un peu haut, bombé, où s'éteignaient les rayons gris de ses yeux mourants? Était-ce pour cette bouche dont les lèvres, seules empourprées, mettaient une lumière rouge dans ce visage blanc? Que sais-je? Je ne dis rien, je m'inclinai, et frémissant, baisai le pan de sa robe. Elle, sans répondre à ce silence dont elle comprenait sans doute l'adoration, m'adressa un signe. Je la suivis à travers l'allée dont le caillou blanc craquait sous mes pieds et se taisait sous sa marche éthérienne. Arrivée au perron, elle se pencha un instant, prêtant l'oreille. Sans doute elle n'entendit rien, car délibérément elle poussa la porte d'ébène qui glissa sur un tapis épais. Et un instant après, nous étions dans un petit salon éclairé par des vitraux qui mettaient à nos vêtements des lueurs d'escarboucles et d'émeraudes. Et elle me dit « Écoutez-moi ». C'étaient les premiers mots qu'elle prononça, et sa voix sombrée, indolemment triste, me frappa comme si elle jaillissait de quelque profondeur immesurée. Alors que je touchais presque sa main, elle me parlait comme de loin, et sans doute mes yeux exprimaient ma stupeur attristée, car elle reprit hâtivement « Je vous ai appelé. Vous êtes l'ami de ma jeunesse, peut-être plus. Il est entre nos âmes un lien détendu, mais non brisé. Cela est vrai, dites. » D'un battement des paupières, je lui répondis. « Il y a 3 ans, dit-elle, sans s'arrêter au préambule qui sont les lâchetés de l'aveu, il y a 3 ans que je suis devenue la femme de Frédéric. Dans mes pensées d'enfant, cet homme, qu'on appelait déjà un maître, était de ceux auxquels nul ne peut résister. Il s'empara de moi par un mot. Son regard me conquit, et je me sentis saisi par sa volonté. Ma faiblesse était fière de s'appuyer à cette force. Je rêvais des soumissions orgueilleuses à cette énergie qui dominait tout. Je parle de tout cela parce que je sais. Je sais, entendez-vous, que vous m'avez aimé, que vous m'aimez encore, que vous m'aimerez toujours, comme moi-même je vous aime et je vous aimerai. Paula, ne vous méprenez pas au sens de mes paroles. Aucune pensée coupable ne peut ni ne doit nous effleurer. Nous sommes unis l'un à l'autre par la débilité même de nos volontés. Nous sommes faits pour marcher côte à côte, en nous donnant mutuel appui. De nous deux, nul ne peut avoir ascendant sur l'autre. C'est pourquoi, aujourd'hui, je vous appelais comme la moitié de moi-même, parce que ma défaillance a besoin d'un soutien pour reconquérir son équilibre. Mais que se passe-t-il? Frédéric? Frédéric est bon. Frédéric m'aime. Frédéric est le premier entre tous, l'époux et le père. Alors, fis-je un peu dépité, je ne comprends pas. Elle me reprocha d'un geste cette irritation injuste et continua de sa voix qui tintait comme une cloche de village entendue à l'horizon. Ne m'interrompez pas, je vous en prie. Un mot vous expliquera tout. J'ai peur. Peur de tout, peur de lui surtout. Pourquoi? Ah, si je pouvais vous le dire, si je le devinais moi-même. Mais justement, cette épouvante qui m'embahit chaque jour, chaque nuit davantage, n'est poignante que parce qu'elle est inexplicable. Je me mis à rire. Terreur, épouvante et des mots. Les mots qui résonnent dans notre cerveau, sans que notre raison en saisisse le sens, ont des échos funèbres. Pourquoi souriez-vous? Ne savez-vous pas que le mystère est plus fort que la raison et qu'il sort de l'inconnu des angoisses fatales? Malgré moi, et bien que je voulusse, dans ma vanité, garder l'apparence du scepticisme, je me sentais misérablement anxieux, et baissant la voix, je l'interrogeais plus doucement, inquiet des mots qui allaient donner corps à cette peur ambiante. Voici ce qu'elle me raconta. Depuis 6 mois environ, c'est-à-dire depuis la naissance de son enfant, Frédéric, qui jusque l'avait porté haut la tête, comme un lutteur qui pressent la victoire, c'était tout à coup assombri. De quel problème poursuivait-il la solution? Quel combat avait-il osé entreprendre? Taciturne, il se taisait, et aux questions de sa femme, il ne répondait que par des coups d'œil hagards, comme s'il l'eût supplié de ne pas réveiller quelques souvenirs de détresse. Pendant des jours, pendant des nuits, il restait enfermé dans une serre élevée à grands frais au fond du parc. Il arrivait que des semaines se passassent sans qu'il parût au château. Ou bien la nuit, il se glissait dans la chambre de sa femme. Elle l'avait épié, alors qu'il la croyait endormie. Elle l'avait vu, il était sur un siège, les yeux fixes, fasciné par quelque effroyable vision. Il y avait sur sa physionomie contractée l'expression d'une horreur indicible. Tout son être grelottait, et ses mains, agitées de mouvements convulsifs, avaient l'air de repousser quelque ennemi invisible. Puis, Oh, elle l'avait étudié avec soin pendant ces quelques instants. Il avait un geste de résolution dominatrice triomphante, et se dressant brusquement, il s'enfuyait. Paula s'était élancée à la fenêtre, et elle l'avait vu courir vers la serre dont les feux jamais éteints luisaient comme un phare. Franchement, hardiment, elle l'avait interrogé. Que se passait-il là-bas, à cet angle isolé du parc? Pourquoi se refusait-il obstinément à ce que nul n'y pénétrât? Et avec le même frisson, il l'avait durement repoussé. Alors, courageusement, hypocrite, elle avait tenté de savoir la vérité. Elle avait appris une chose étrange. Chaque jour, Frédéric faisait acheter par l'intendant plusieurs livres de viande fraîche, et il les emportait, le soir, dans la serre. Jamais aux environs du pavillon le moindre détritus n'était retrouvé. Qui donc nourrissait-il? Était-ce donc quelque animal dangereux, inconnu, auquel il s'était astreint à donner lui-même sa pâture quotidienne, une créature avec laquelle il s'était résigné à vivre dans l'isolement d'une poursuite scientifique? Et qu'était-ce donc que cette lutte, dont témoignaient ses rébellions, dans des solitudes nocturnes? Devenait-il fou? Cette pensée avait percé comme une épée de glace l'âme suppliciée de Paula. Elle n'avait plus osé l'interroger, à mesure que l'angoisse creusait plus profondément son visage. Il s'éloignait d'elle. Jamais plus il ne venait, comme autrefois, se reposer dans l'intimité des causeries, de ses travaux énervants. Parfois seulement elle l'apercevait, hagard, rôdant à travers les hautes futaies, la tête nue, lançant ses poings vers le ciel. Enfin, et ceci dépassait le suprême tourment, une nuit, alors qu'elle dormait, il était venu de son pas sans écho dans sa chambre. Elle avait senti que quelqu'un était là. Elle avait ouvert brusquement les yeux. Frédéric, debout, dardait sur le berceau de l'enfant des regards de fou, et dans ses mains, il y avait des spasmes de supplication. « Frédéric, Frédéric, que faites-vous à cette heure ?» Il avait poussé une imprécation brutale, et encore une fois, il s'était enfui. Voilà ce que Paula me raconta, et à mesure qu'elle m'avait parlé, j'avais senti descendre dans ma poitrine une fraîcheur rassurante. Qu'était-ce, après tout? Un état morbide, une surexcitation causée par l'excès du travail. J'avais été naguère l'ami, l'élève de Frédéric, et bien souvent je l'avais écouté, alors que, d'un élan dont l'audace m'émerveillait, il plongeait dans l'hypothèse. N'étais-je point un médecin, et ne savais-je point regarder en face l'ennemi, la fièvre? Donc je le rassurais de mon mieux. Et sûr de mon éloquence et du droit de la raison, je me perdis dans le parc à la recherche de Frédéric. La nuit tombait, mais j'avais secoué l'oppression première. Je me redressais dans une inexprimable fierté en ma mission de protection et de salut. J'allais à travers les allées crépusculaires, m'affermissant à chaque pas dans mon devoir. Bientôt, j'aperçus la serre dont Paula m'avait parlé. Elle était vaste et bien construite, faite de pavillons à dômes arrondis qui se pressaient l'un contre l'autre comme les coupoles d'un bain turc. Sous les derniers reflets du jour, leurs vitres s'assiéraient de plaques luisantes. Là était le mystère. En vérité, j'étais près de rire de ces craintes d'enfant. Est-ce que je ne connaissais pas les influences épuisantes, brûlantes, des recherches scientifiques? Comme je pensais à cela, j'entendis marcher précipitamment derrière moi. Je me retournai brusquement. Dans la pénombre voilée des arbustes, je vis Frédéric, ou plutôt, je le devinais. Hardiment, j'allai à lui. « Ami, lui dis-je, me reconnais-tu ? » Il s'arrêta brusquement. « Frédéric, repris-je, c'est moi. J'ai la main tendue et m'étonne de n'y pas sentir la tienne. » Alors, guidé, à ce qu'il me semble, plutôt par le son de ma voix que par le regard, il se pencha, et d'une voix rauque, brisée, qui ressemblait au craquement d'une branche trop rudement ployée. « Toi, que me veux-tu? Va-t'en. » Et donc, est-ce ainsi que tu me reçois après une si longue absence? Ne te souviens-tu pas de nos anciennes amitiés? Il était indécis, piétiné sur place. Je vis alors qu'il portait à son bras un panier qui paraissait assez lourd. « Je ne puis m'arrêter, dit-il, laisse-moi passer. »« Certes, tu passeras, repris-je, Mais tu ne m'empêcheras pas, je suppose, de te suivre pour que nous retrouvions quelques bonnes causeries d'autrefois. » Il eut un ricanement singulier. « Me suivre, toi, allons donc. Sur mon âme, caches-tu donc dans ce palais de verre quelque trésor dont tu sois si jaloux ?» De sa main libre, il me saisit le bras, et comme je me taisais, il se courba, prêtant l'oreille. Il me sembla percevoir un son singulier, quelque chose comme un glissement de reptile. « Elle m'attend, » fit-il d'un accent où je devinais une terreur mal réprimée. « Il faut que je passe. » Encore une fois, entrons ensemble. Il sembla hésiter encore, puis, avec un geste décidé, « Viens donc, aussi bien toi seul, peut-être, pourrais me défendre si... » Il n'acheva pas. Mais comme sa main avait glissé sur la mienne, je sentis qu'elle était glacée, comme la neige durcie. Et il m'entraînait maintenant. Nous arrivâmes devant la porte de la serre. Il tira une clé de sa poche et ouvrit le panneau de verre. Et comme je m'avançais, ne distinguant encore rien autour de moi, il me retint avec une sorte de violence. « Sur ta vie, » chuchota-t-il, « ne bouge pas. » En dépit de mon assurance, je sentis un singulier malaise m'envahir. Encore j'entendais ce froissement bizarre qui tout à l'heure m'avait frappé. C'était un glissement lent et d'un bruit pareil à celui d'une feuille de papier sur une plaque de marbre. Tout à coup, sans que je visse par quel moyen Frédéric avait agi, une lueur éclatante, aveuglante, éclaira la serre. Et horrifié, les cheveux hérissés au crâne, je me collai contre la porte, les mains cramponnées aux armatures de fer. Au milieu d'une salle, tout tapissé de plantes aux formes fantastiques, un être, un cauchemar, une chose, se dressait. Hydre, poulpe, pieuvre, qui eût dit son nom? Cela était hideusement accroupi sur le sol, dans une vasque énorme remplie de mousse spongieuse et gluante. Cela avait la forme d'une outre colossale, et des bords de cette outre pointaient de longs bras, innombrables, au bout desquels des boules, glauques comme des yeux. L'outre était verte, les bras avaient des reflets pourprés, et à mesure qu'il s'effilait pour finir en ses yeux atroces, le rouge sanguinolent se mêlait à la verdeur des cadavres putréfiés. Et je fermai les yeux, sentant au cœur une étreinte sinistre. Seulement, j'entendis encore le glissement dont j'ai parlé, et je devinais que c'était ses bras qui s'étendaient ou se repliaient. Cependant, surpris de n'avoir pas été saisi par ce quelque chose si hideux et si puissant, je fis un effort surhumain et je regardai. Frédéric, livide, avait tiré du panier qu'il avait apporté un morceau de viande et avec d'infinies précautions, juché sur la pointe des pieds comme s'il redoutait que sa main fût touchée par ces tentacules horribles, il le plaça sur l'extrémité de quelques-uns de ses bras mouvants. Et soudain, comme par l'effet d'un ressort, les bras se replièrent, entraînant le lambeau qui fut ainsi porté à d'autres bras plus courts, que je vis alors et qui partaient d'un nouveau cercle intérieur. Et ceux-ci, ayant saisi la chair, la transmirent, puis j'employai une autre expression, à d'autres bras, ainsi jusqu'au centre, et en même temps, tous ces bras repliés sur le centre emprisonnèrent le morceau que je ne vis plus. Frissonnant, la gorge serrée, je fixai mes yeux sur Frédéric. Son front ruisselait de sueur, ses dents claquaient. La bête démoniaque était immobile maintenant, acharnée à sa déglutition monstrueuse. « elle mange !» cria-t-il. « Titane se repaît !»« Titane !» répétai-je en le considérant avec stupeur. « Ah, tu ne sais rien !» Tu ne comprends rien. Ne la reconnais-tu pas? Regarde, regarde. En ce moment, elle est domptée. Et dans un éclatement subit de ma compréhension, je vis ce qu'était cette bête. C'était une drosera gigantesque. C'était la plante carnivore poussée à un développement fabuleux, colosse végétal, création inouïe. Et je criai son nom. Pendant une heure environ, elle sera ainsi, me dit Frédéric. « Ah, je sais pourquoi tu es venu. On me croit fou. Non, ce n'est pas vrai. Fou, moi, qui par un miracle de persévérance, par un chef-d'œuvre de sélection, ai agrandi la drosera jusqu'à cette taille formidable. Tu le vois, le monstre, dans un instant, il tendra encore vers moi ses tentacules avides. Il faut que je le nourrisse, il faut que je le gave, sinon... » Et il regarda autour de lui avec épouvante. « Sinon ?» demandai-je. « Écoute, me dit-il. Tu vas connaître mon secret. Tu sais avec quelle ardeur j'avais étudié les découvertes de Nitschke, de Warming, de Darwin, sur ces plantes étranges, intermédiaires entre le végétal et l'animal, qui s'emparent des insectes, les saisissent, puis les engluent, les étouffent et lentement s'en nourrissent. Oh, j'ai bien compris les conséquences de ces bizarres études. Je n'ai pas douté un seul instant, et je me suis dit que la Drosera, la Dionée, le Drosophyllum sont, entends-moi bien, des dégénérescences des animaux monstrueux dont les formes effrayantes sont restées dans la mémoire des peuples primitifs. Hydres, chimères, vouivres, dragons, tout cela a existé. L'imagination humaine n'a rien créé. Mais par des adaptations climatériques, en raison de bouleversements géologiques, ces êtres aux formes abominables, privés de la nourriture qui leur était nécessaire, sont retombés par un atavisme en retour à la forme végétale, immobilisés, rattachés au sol par des racines. Parce qu'ils ont dû aller chercher leur aliment premier dans la terre, ils sont redevenus plantes, conservant seulement l'aptitude suprême, seul vestige de leur vie passée, la nutrition animale. Eh bien moi, j'ai voulu reconstituer l'être atrophié. J'ai voulu que la plante redevînt la bête. Oh, que de tentatives ont échoué, enfin le hasard, car toute notre science n'est que hasard, m'a livré une Drosera d'une taille exceptionnelle, et je l'ai nourrie, et je l'ai imprégnée des sucs animaux. Peu à peu, elle s'est développée. Triomphe de la déduction. L'hydre, le dragon, a revécu. La vois-tu, ma titane énorme et sublime? La vois-tu, féroce dans sa faim que je ne puis assouvir? Et à ce moment, sur deux tentacules qui se redressaient, il jeta une pâture nouvelle. « Mais tu ne sais pas tout, » me dit-il à voix basse, si Titan avait faim. Je l'ai deviné, moi, en cette période de force, d'accroissement où elle est parvenue, elle s'arracherait au lien qui la retient encore au sol, là, au fond des mousses. Et alors, animal exécrable et vainqueur, elle s'échapperait d'ici. Elle irait à travers les campagnes, traînant son énormité visqueuse. Et ce qui est mon chef-d'œuvre deviendrait mon crime, et je serais maudit. Je ne veux pas qu'elle s'échappe. Je veux qu'elle reste prisonnière. Et attentif, dans la crainte qu'elle n'ait faim, je veille. Quelques minutes de retard, et je sais qu'elle s'élancerait, pieuvre odieuse, à travers le monde, menaçant la femme, l'enfant, mon enfant. Qu'elle mange, qu'elle mange, il le faut, pour qu'elle ne veuille pas s'évader. Et encore, je le vis lancer les quartiers de viande, et dans les fibres de la plante atroce, passer les flots pourpres du sang dégorgé. À ce moment, et comme je restais à faune, écrasé sous l'intensité de ma répulsion, la porte de la serre que j'avais mal refermée s'ouvrit brusquement, et Paul apparut. Son courage avait été plus fort que sa peur. Maintenant qu'elle me savait là, elle avait eu l'audace de violer le secret de la serre. « Frédéric !» cria-t-elle. Mais à cet appel, une clameur horrible répondit. Dans un brusque mouvement de recul, inconscient du danger, Frédéric avait posé la main sur les tentacules de Titane. Et avec une rapidité formidable, toutes les trompes hideuses s'étaient abattues sur cette main, attirant le poignet, l'avant-bras. Horreur! Je le voyais humé par cette succion irrésistible. Je le saisis à bras-le-corps, m'efforçant de l'arracher à l'embrassement épouvantable de Titane. Mais la bête était plus forte que moi. Alors mes yeux rencontrèrent une hache qui gisait à terre. « aux pieds !» criai-je à Paula. « Coupez, tranchez !» Avait-elle compris? Je ne sais. Mais elle obéit. Si faible, elle mania nerveusement l'outil d'acier et frappa. Et si juste qu'elle coupa, à travers les mousses, la racine de la plante. Qui sembla faire un effort pour se soulever, pour s'élancer peut-être. Et impuissante, subitement, s'affaissa avec un bruit flasque de linge mouillé, et au même instant, des tentacules détendus, j'arrachai le malheureux. Et je vis, chose horrible, sa main et son poignet, qui n'étaient déjà qu'une bouillie sanglante. Paula l'avait saisi dans ses bras. Il ouvrit les yeux et, dans un dernier spasme, les fixant sur moi, il ne dit que ces mots. « Assassin, tu as tué Titane !» Et il tomba à la renverse, mort. Je suis resté le frère de Paula, et j'ai adopté l'enfant. C'était Titane par Jules Lhermina.